même piste. J'ai arrêté de bédave et de pichetave pour pas finir comme ODB. J'ai assez qui est PK dans micro, c'est du haut débit. Dans mes fréquentations, mon crew, y'a pas d'homonie. Y'a que des gars OP que tu peux pas stopper, des gros débiles. Flow hardcore comme MOP sur des prods vénères à la MOBP. Oh baby, faut de l'oseille please, barré d'ici, quitte à récidiver. J'ai rien à faire dans les soirées privées. Les schmitts, les flics, tournent et flippent, deviennent des cibles. Les équipes des beats prennent des briques. Mon but, prendre des loaves, sa mère la pute. Protège ta nuque ou tu te feras casser ton huc par une craque. Non, les bitches font du bise, veulent des bifs, de la bite, leur part du beefsteak. Elles se posent même sur le beat, mec. Elles sont pleines de big check et kiffent les mic check. Moi, je respecte celles qui se respectent et je suspecte celles qui sucent bêtement. J'éjacule dans la bouche pour pas salir mon survêtement. Je te rassure maintenant, pour ma clique, pas de surendettement. C'est que des grosses prestations, on nique toutes les stations et y'a pas de protestation. Protège ton fion, parce que j'ai envie de te casser le cul. C'est pour tous ceux qui ont cul l'état et nique la sécu. Touche à fond, le volume au max sur les pas fond. Sans l'instinct de rue, c'est riso pour les instrus. La primaire âge t'instruit, à cet MC pas d'intrus. Il a scarpin trop et ça claque dès l'intro. Sans rémission, c'est cette première émission du message Primera avec pareille mission. Sache que le crime est roi, car sans prémission, vendra Primera et tu vas déprimer grave. Faut pas tester, est-ce bien compris mes braves? C'est comme le LSD quand j'écris mes rap. Tu lâches la Primera, que tout m'écrit mes râles. Moi, c'est Maréchal Gosse pour la Primera. Ne sois pas si anxieux, face à ma clique, pas de panique. Moi, c'est Stani et j'ai Estan le silencieux. Faut que tu t'y fasses, on n'est pas là pour faire les suceurs. Faut que les putes qui passent à la radio seul ou à plusieurs. Tu vas pas tarder à nous voir partout, t'as qu'à regarder. Dans les bacs ou les murs placardés, arrête de bavarder. Écoute plutôt ce qu'on fait sur beat, en plus tu vas kiffer ce beat. Moi, comme un attardé à la radio sur scène, je pose des beaux coupés naturellement. Faut que je déchire pour avoir beaucoup de blé actuellement. On n'est jamais apaisé, tout le temps on crame la rime. Si Primera t'invite en featuring, c'est pour te baiser. Hey yo, je suis parrain, tu peux rat. Je nique un parrain comme un para. Bac 24 carats, c'est carré. Pas de blague, sinon on te frappera, sale taré. Je débarque en para, chute par là. Chute, nique les paras, zit dans les parages. Vite, écoute la suite, sors le S8 du garage. Pitre, jette une grenade par la vitre. Ça vient d'Oran, Casa et pointe à pitre. C'est du rap au top, salope. Fais moi une fille paraître pipo. Primera, Primera, Primera, quand on rimera, sale mytho. La crime est là, j'aiguise mes rimes, comme j'affûte mes lames. Tu pousseras des cris, des larmes. Toujours au fait pour développer un nouveau style hostile. Primera toujours en guerre, on encule la cour martiale. Mon venin propage dans les radios commerciales. Je suis pas une pute, hashtag. Mon album est dans les bacs, alors fais-toi plaisir, achète. Comme dans les pays d'Afrique, on t'assassine à la machette. On te tienne par derrière à la marocaine. On est des hyènes, on t'égorge à la algérienne. Toujours speed, jamais rien, on vise de Porsche Cayenne. Wesh, wesh, cousin. On a tout ce qu'il faut, des putains de rimes et du flow. Et si un jour je me donne la peine de faire des singles, c'est que j'ai les couilles pleines et les poches vides ma gueule. On n'est pas le crew qui ira rapper au Monte Cristo. Primera, Las, Nerdy, El Fumisto, El Rizo. Fais monter la sauce, le cuisto au fourneau. Et nous on s'acharne à creuser la fosse pour y jeter ce qui n'est plus nécessaire. Le hip-hop détourné qu'on peut plus laisser faire. Et rester là sans rien dire, le laisser fuir avec le magot. Ses équipes de poulet, ses fardeaux. La Primera, la Primera, la Primera, la Primera, la Primera, la Primera, la Primera, la Primera, la Primera, la Primera, la Primera, la Primera, la Primera, la Primera, la Primera, la Primera.